maintenant je marche sur le bout. Je m'en bats les yeux, j'ai déjà pas trop de coups. Même si je parle pour mes potes, même si ça te botte, c'est pour ma pote que je veux que ça rapporte, que ça s'exporte. Ça t'emporte, hein. Ça explose toutes les portes. Ça bouleverse les mecs et les meufs fortes, seuls sur mon escorte. Je veux passer par ici, ressortir par là, que ça marche à chaque fois. De faire croire que c'est encore moi quand c'est pas moi. Arriver sur toi comme Godzilla, trop gros pour toi, ouais, faut pas tester. Prends, ça prend, c'est tout ce que je te donne, ça te rend dans Paris. J'ai pas un petit chauffe pour les DJ qui mixent. Dès qu'ils fixent la zik, apprécie les remix. J'suis sur le marché comme les aventures d'Astérix. Prêt à envahir le monde comme la cam ou les X. Fais-toi un kiff, lâche ton cœur et viens me voir Miss. J'veux être un fléau pour l'état comme l'était Malcolm X. Foutre la merde dans les ghettos, tous les fachos font les kicks. Faut que je t'explique, fini de subir, faut qu'on pique. Là où ça fait mal et jusqu'à en foutre la panique, hein. Appelle-moi le barjo, malade, qui marche en solo. Assez à tous les mecs et meufs qui font dans le monde. Comme un cocol, j'prends le monopole. Quand toi tu marches en bande, moi j'plante seul, vas-y décolle. Appelle-moi le barjo, malade, qui marche en solo. Assez à tous les mecs et meufs qui font dans le monde. Comme un cocol, j'prends le monopole. Avec un pur son de dingue pour que les filles décollent. Vise ma technique, c'est mathématique, ma vie plus massique. Forme mon hip-hop, propre à moi j'pique. Fais gaffe au clic-clic, genre de la merde, j'ai rien à perdre. La rage dans le verbe, je gerbe. Sur les ex-futurs présidents en herbe, y'a pas de numéro uno. Pas de place pour les faux Pablo, pas de place pour les pseudo-mythos. Cieux dans les yeux, règle des nerveux. Quatre murs et tu te la place pour 2000 poules qui te foutent le feu. T'es méchant. C'est qu'y'a pas de place pour les faibles. Si t'es faible, tu te fais bouter un coup de pompe dans le cul si t'as pas pigé. Et j'ai pigé, donc j'ai niqué. Ah ouais, t'as niqué. Sans aucune pitié, je me suis fait niquer, donc j'ai reniqué. Tu t'es fait niquer, t'as reniqué. Des petits, des grands, des gros, des lents, des noirs, des blancs. Rien à foutre, rien à battre, y'a pas de sentiment. Pas de faux semblants, pas de pitié pour les cons. Nique la compétition, 100% temps pour dans hardcore sur la VR. Plus fort, je perds, amène tes potes, tes gardes du corps, y'aura rien de plus fort. Mes mots plus masique, jusqu'à la mort. Appelle-moi le barjo, malade, qui marche en solo. Assez à tous les mecs et meufs qui font dans le monde. Comme un cocol, j'prends le monopole. Quand toi tu marches en bande, moi j'bande seul, vas-y décolle. Appelle-moi le barjo, malade, qui marche en solo. Assez à tous les mecs et meufs qui font dans le monde. Comme un cocol, j'prends le monopole. Avec un pur son dingue pour que les filles décollent. Appelle-moi le barjo, malade, qui marche en solo. Assez à tous les mecs et meufs qui font dans le monde. Comme un cocol, j'prends le monopole. Quand toi tu marches en bande, moi j'bande seul, vas-y décolle. Appelle-moi le barjo, malade, qui marche en solo. Assez à tous les mecs et meufs qui font dans le monde. Comme un cocol, j'prends le monopole. Avec un pur son dingue pour que les filles décollent. Eric s'explicite pour brut qui crépite comme qui dynamite. Pour les gars d'en bas de là où j'habite. Dans un bateau en course pour son troupeau. Vas-y je t'invite. Avec un bon spiff de touch ou bien de zep. Je te laisse faire la suite. C'est tout master.